C'est le moment de libérer la chatte. Est-ce que les garçons ne mettraient pas les filles qu'ils aiment vraiment beaucoup dans une sorte de bulle imaginaire sur un piédestal dont elles ne pourraient plus descendre? Ça peut arriver, tu crois? J'admets que je trouve les hommes physiquement attirants, mais sur le plan affectif, ils sont arriérés. Blabla, Gaïa, blabla, le monde, pouvoir de la vie menstruelle, etc. Mais combien de fois t'as simulé? Il y a des hommes beaucoup mieux que lui, dont la cervelle n'est pas détériorée par des histoires de pénis. Ah, c'est que ça alors? T'es juste venu me pomper des infos. Qu'est-ce que tu voulais que je te pompe d'autre? Moi j'adore les histoires de pénis. Ah. Oh là là, voilà un béguin que j'aimerais me faire. Tu n'es pas la première femme avec qui je sors. Mais t'es pas la première hétéro avec qui je sors. Hétéro? Je pourrais te chevaucher jusqu'à ce que tu me demandes grâce et que tes yeux se révulsent. J'ai une force que même dans tes rêves, tu n'oserais m'envier. J'aurais un plaisir fou à te broyer pour te voir exploser comme un bouchon de champagne et tu me supplieras de te maltraiter un peu plus. Des litres de salive pour faire glisser des mots, pour humecter des muqueuses, lécher des plaies et cracher sur l'amour. Et on cracherait dessus jusqu'à le réhydrater, jusqu'à ce que le petit haricot sec, radin, hétérocentré, hétéronormé, hétérochiant, devienne un joli truc tout palpitant, luisant, doux et rebondi qu'on aurait envie de glisser entre nos lèvres. Hello, hello, vous écoutez des litres de salive sur le 89.5 de Radio Duo. Aujourd'hui, on va parler de corps et de normes, ou justement de pas les normes, de pas du tout les normes, plutôt de corps de meuf cis blanche et valide comme moi, parce que bah voilà, c'est mon expérience. On va parler du rapport de ces corps-là aux normes de la féminité, qui est tellement un truc super, et de la minceur aussi. Et ça sera une émission avec plusieurs trucs en vrac qui se rapportent à ça. Genre des bouts de lecture, des retours d'expérience perso, des extraits de conversation. On va parler des gens qui parlent de nos corps, on va parler de danse, du plaisir de bouger. Et bon, voilà, c'est une espèce de fatras de printemps thématique, je dirais, avec de l'agacement, des comportements pénibles dedans, mais aussi de l'agitation fessière joyeuse. Voilà. Mais d'abord, j'ai un truc vraiment super à vous annoncer. J'avance à grands pas sur le chemin de l'accomplissement personnel parce que ça y est, ça m'est arrivé. J'ai enfin été reconnue comme reproductrice potentielle par une de mes semblables. Ben oui, je vous explique. L'autre soir, je suis allée à une cool soirée. Ça se passe, les spectacles sont bien, tout ça. Et puis, à la fin, je me lève et je me dirige prestement vers le dance floor qui commence à se lancer. Et soudain, je suis interceptée en route par une personne qu'apparemment je connais. Et voilà, small talk, ça a lu, ça va. Mais si, tu te rappelles, je suis machine, on a fait tel truc ensemble. Ah oui, c'est vrai. Alors, ça a plu. Ah oui, quelle chouette soirée. Bon. Et là, la personne enchaîne sur cette phrase que tout le monde rêve d'entendre. Que chacun, chacune attend toute sa vie durant. Et dis donc, tu serais pas enceinte, toi ? Ah, enfin on se permet de faire cette réflexion sur mon corps en public. Enfin, on part du principe que c'est possible que j'ai décidé de me reproduire. Enfin, des personnes dont je ne me souviens pas du prénom viennent me rappeler que quand même, faire des bébés. C'est le signe que j'ai l'air mature, que je suis acceptée et perçue comme potentielle reproductrice. Vraiment, c'est merveilleux. Bon, je ne suis pas du tout enceinte. Vraiment, ce genre d'incident, en plus dans une soirée féministe, tout ça, c'était assez surprenant. Comme quoi, il faut rester aux aguets. Et bon, évidemment, ça tombe dans une période où bien je traverse des changements corporels, genre j'ai pris du bide, et ça me met pas super à l'aise avec mon corps, en fait. Je sais pas si vous regardiez la série Malcolm. Voilà, Malcolm et ses frères qui font des conneries tout le temps. Mais dedans, il y a une scène comme ça. Il y a le père de Malcolm. Il est un peu gaffeur tout le temps comme ça. Et il y a une scène où il est présenté à la meuf de son patron. Et il regarde son ventre et puis il touche son ventre en disant « Oh, mais qu'est-ce que nous avons là ?» Et la meuf, elle lui répond « Mon gros ventre que j'essaye désespérément de cacher ». J'ai pas du tout réussi à répondre à un truc aussi percutant. Hein. J'ai juste dit « Certainement pas ». Je vais pas vous expliquer pourquoi. Hein. Il faut pas dire ou demander aux personnes si elles sont enceintes. Hein? Bon. Comme vous le comprendrez, ça m'a mis vraiment de super humeur. Et ça m'a incité à vraiment sortir plus et aussi à aller vers les gens. Mais surtout, c'est une anecdote qui nous plonge bien à fond dans les miasmes de la normativité et de certaines injonctions à faire des bébés dans nos corps et à pas trop déborder de nos pantalons, sauf, bien sûr, si on fait des bébés. Bah allez, un peu de musique de la fête pour oublier et pour danser sur les moments nuls. On écoute Brigitte Fontaine avec Dance Floor. Dance floor. Dance floor. Je t'adore. Dance floor. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you, sister. Thank you, sister. Dance floor. Omnivore. Love sick. Little tick. Voleur, joli cœur, blessure, écorchure, vainqueur en majeur. Yes, sir. Yes. Cinq sœurs. Thank you, sir. Cinq sisters. Thank you, sister. Cinq sœurs. Thank you, sir. Cinq sisters. Thank you. Sur le dance floor de la fièvre. J'ai testé pour vous. Aujourd'hui, j'ai testé pour vous une visite au bilan de santé gratuit de la CPAM. Mais je pense que le bilan de santé gratuit de la CPAM, ça devrait plutôt s'appeler la séance de flicage des précaires de leur corps et de leur consommation. Voilà, mais c'est un avis personnel. Il était une fois, la CPAM est mon gros, mon très gros IMC. Donc, je le disais l'autre jour, j'ai bénéficié du bilan de santé gratuit proposé par la CPM, ce qui m'a permis de constater que la CPM a un petit problème avec mon gros, mon très gros, mon énorme IMC. Ouh, il est si gros, regardez-le, je vous le colle sous le pif, voilà. Donc, pour situer un peu qu'est-ce que c'est cet ensemble d'examens, je vais vous citer le site de servicepublic.fr par exemple qui dit que l'examen a lieu dans un centre d'examen de la sécurité sociale ou un centre agréé. Non, un centre agréé, pas un centre aéré. Je suis fatiguée moi. Il dure environ 2h30. Selon les centres où il est pratiqué, il peut se dérouler en une ou deux étapes. Les examens peuvent être modulés en fonction des éléments du questionnaire médical que vous avez rempli et des facteurs de risque propres à votre situation. Un entretien final vous permettra de faire le point sur votre santé et, si besoin, de prévoir des examens complémentaires. Un rendez-vous avec une assistante sociale spécialisée peut également être programmé en cas de difficulté pour la prise en charge financière d'examens ou de soins à venir. Bon, en gros, c'est proposé en priorité aux personnes précaires. Et bon, dans l'idée, c'est bien, en fait, hein, de rendre accessible des examens de santé à des personnes précaires. Mais en fait, il se trouve que ça ressemble plus à un rendez-vous de flicage sous couvert de prévention vraiment très, très mauvaise. Une mauvaise prévention, très mal faite. Ouh là là. Et pour préciser... D'abord, une petite définition utile. L'IMC, ça veut dire l'indice de masse corporelle. C'est le chiffre qu'on trouve en divisant notre poids en kilos par le carré de notre taille en mètres. Oui, oui, oui. Je vais lire quelques extraits d'articles pour mieux situer le truc et d'où ça sort. Alors d'abord, je vais citer quelques passages d'un article que j'ai trouvé sur Slate. Et cet article s'intitule... L'indice de masse corporelle est une mesure obsolète de l'obésité. Voilà, c'est un article qui date quand même de 2009, ce qui veut dire que ça fait un certain temps quand même qu'on est passablement au courant que c'est obsolète. Donc dans l'article, on apprend que c'est le grand savant belge Adolphe Quetelet qui a mis au point la formule en 1832, alors qu'il cherchait à définir l'homme moyen, aussi bien en termes de force musculaire moyenne que d'âge de mariage moyen. Son projet ne concernait en rien l'obésité ou les maladies qui lui sont liées. La formule de Quetelet n'avait d'autre ambition que de décrire la relation entre le poids et la taille d'une population d'adultes. Il avait constaté, en se fondant sur des statistiques portant sur des centaines de ses compatriotes, que le poids n'était pas directement proportionnel à la taille des individus. Entre parenthèses, les individus dont la taille moyenne dont la taille était supérieure de 10% à la moyenne, ne pesait pas en moyenne 10% de plus que la moyenne. Mais le poids variait proportionnellement au carré de leur taille. Les individus dont la taille était supérieure à 10% à la moyenne pesaient en moyenne 21% de plus que la moyenne. J'espère que vous suivez, parce que moi, pas vraiment. Plus loin dans l'article, il nous dit « À la recherche d'une mesure pour les assureurs ». Donc il nous dit « Les tables de longévité des compagnies d'assurance nous permettent d'avoir une idée précise de la corrélation entre ces données physiques et la longévité, mais les chercheurs en médecine avaient besoin d'une mesure standard de l'adiposité leur permettant d'étudier les conséquences sur la santé des différents stades de l'obésité dans une population donnée. Pendant des dizaines d'années, les médecins ne sont toutefois pas parvenus à se mettre d'accord sur un indice, certains divisant le poids par la taille, d'autres le poids par le cube de la taille. » Jusqu'à ce que, en 1972, un professeur de physiologie qui effectuait des recherches sur l'obésité, Ansel Keys, publie sous le titre « Indices of Relative Weight and Obesity » les résultats d'une étude qui avait porté sur plus de 7400 hommes dans 5 pays différents. Keys avait appliqué à chacun toutes les différentes équations basées sur la taille et le poids et comparé les résultats obtenus à l'indice de masse grasse calculé d'une manière plus directe. Et c'est la formule de Quetelet, le poids divisé par le carré de la taille, qui s'est révélée être la meilleure. Keys a alors rebaptisé celle-ci indice de masse corporelle. Celui-ci a rapidement été adopté par les chercheurs qui se fondaient jusque-là sur des mesures moins rapides et plus coûteuses des tissus adipeux ou sur les grandes catégories utilisées par les compagnies d'assurance. Maigreur, poids idéal et surpoids. Le faible coût et la rapidité d'utilisation de l'IMC leur a permis d'entreprendre des recherches portant sur des données concernant des centaines de milliers d'individus, sur des dizaines d'années. Bon, voilà, ok, donc on voit à peu près d'où ça sort. Et il nous dit que Keyes n'avait jamais envisagé un tel usage de l'IMC. Son article mettait même en garde contre l'utilisation de l'IMC dans des diagnostics médicaux. Celui-ci n'intégrant pas les variables comme le sexe ou l'âge des patients, susceptibles de modifier sensiblement son interprétation. Une chose, disait Keyes, est d'évaluer le pourcentage moyen de tissu adipeux d'un groupe de nombreux individus de différentes constitutions. Une autre que de coller un chiffre et une étiquette sur un individu sans tenir compte de ses caractéristiques personnelles. Donc c'était pas du tout fait pour ça à la base, hein, l'IMC. Dans un autre article qui est aussi sur Slate et qui est plus récent, qui date de l'an dernier, qui a été écrit par Lucy Inland. Donc je cite l'article. Comme l'écrivent Daria Marx et Eva Pérez-Bello dans le livre « Gros », n'est pas un gros mot. Si la donnée poids est importante dans les constantes d'un individu, il faut tenter de la débarrasser de ces amalgames nocifs pour les concerner. On ne saurait s'arrêter à une seule donnée pour le définir. Bien qu'il soit utile de connaître le poids d'un patient pour lui proposer le dosage adapté d'un traitement ou encore pour détecter un changement dans l'état de santé physique et mentale, le seul ratio taille-poids de l'IMC est un outil trop limité pour évaluer la borne-forme générale d'une personne. L'indice de masse corporelle est un calcul froid du poids divisé par la taille au carré qui ne prend en compte ni la masse osseuse ni la masse musculaire. C'est du pifomètre bien verni qui peut éventuellement donner une indication de santé tout à fait arbitraire. Pourquoi gardons-nous encore comme référence en 2020 une formule bricolée par un mathématicien, astronome, naturaliste, sociologue, mais pas médecin, belge, en 1832 ? Et ça, c'était une question posée par une journaliste et militante qui s'appelle Olga Wolfson. Voilà, voilà. Donc sur la question, on va continuer avec des définitions. La grossophobie, eh ben, c'est l'oppression spécifique des personnes grosses, voilà, merci. Le body shaming, on peut le traduire par faire honte à une personne par rapport à son corps. C'est beaucoup employé en anglais, alors je reprends le terme en anglais, mais peut-être qu'il y a une traduction pertinente, mais je ne la connais pas. Et le body shaming, ça concerne les normes autour du corps en général, donc les poils, les formes qui ne correspondent pas à un certain idéal de beauté, les vergetures, les plis, la cellulite, les seins bas, tout ça. Quand on l'utilise dans les discussions sur le poids, le volume corporel, ça va permettre de parler de ce que peuvent expérimenter des personnes qui ne sont pas forcément catégorisées comme grosses, mais qui ont un mal-être vis-à-vis de leur volume corporel, qui ne sont pas minces. Ou qui dévie d'une façon ou d'une autre de l'idéal de beauté féminine. Ce qui est assez simple à faire, de dévier de cet idéal. Et en fait, comme c'est un idéal, eh ben, tout le monde dévie et personne n'y correspond. Bon, du coup, on pourrait dire que la grossophobie, elle concerne les personnes grosses. Et le body shaming, il concerne un peu tout le monde. À des degrés différents, selon plein d'autres paramètres. Mais il n'est pas caractéristique de l'appartenance à une catégorie, le body shaming. Il est plutôt lié à des paroles, des comportements et des situations données et précises. Les personnes minces, elles sont également touchées par les normes et elles en ressentent les pressions, quelquefois en ayant une perception d'elles-mêmes déformée, en se pensant hors des normes de minceur. La différence, c'est que ces normes, elles n'ont pas d'impact matériel sur leur vie, comme elles en ont sur celles des personnes grosses, qui elles sont discriminées dans l'accès aux soins, au transport, à l'emploi, dans tout en fait. On peut peut-être préciser que ce que j'appelle la norme en matière de corpulence, en particulier de corpulence des meufs, c'est ce que j'ai appelé la norme jusque-là en tout cas, c'est pas la plupart des meufs ou la moyenne ou la majorité. La norme de minceur, elle correspond qu'à une toute petite partie de la population, en fait, et c'est pas une norme qui reflète la réalité ou la place par rapport à une moyenne. La plupart des personnes, elles sont pas minces, et certainement pas comme les normes de féminisme les réclameraient. Et une norme réaliste, elle correspondrait pas à la norme d'idéal de minceur. Et d'ailleurs, au lieu de norme, on peut parler d'idéal de la minceur, peut-être, en fait, là. Et donc, pour situer un peu ma propre expérience par rapport à ma corpulence, qui se situe en dehors de l'idéal de minceur, mais en dehors de la moyenne qu'à certaines périodes, selon des variations de volume corporel un peu des variations, quoi. Moi, je pense pas avoir subi des discriminations à l'embauche, par exemple. Et j'ai un accès tout à fait correct à plein de trucs. Je suis bien soignée quand j'en ai besoin en général. Mais le fait de ne pas être mince a quand même un impact, bien que limité, sur mon existence. Donc des remarques dans la famille, du harcèlement scolaire, où ma non-minceur était utilisée comme prétexte, plus comme prétexte. Mais, enfin, parce que les gens avaient très envie de me harceler, du coup ils ont trouvé ça. Mais en fait, à l'époque, ça me faisait une belle jambe de savoir que c'était juste un prétexte. Enfin, on est tout de même marqué et par quelque chose qui met l'accent sur le corps et la corpulence. Bref, donc ça, c'était pour les affres de l'adolescence. Mais donc, ma non-minceur fait que parfois, le harcèlement de rue que je subis, comme toutes les meufs, il porte sur ça en particulier, avec moins de fréquence et pas du tout de la même façon que pour des personnes grosses, hein, évidemment. Mais des fois, ça m'arrive que dans la rue, on me dise que je suis trop grosse. Voilà. Le fait de ne pas être mince, ça fait que même si je suis assez bien soignée, le milieu médical, il met certaines choses sur le compte de mon surpoids, entre guillemets, donc des douleurs osseuses, plein de trucs divers et variés. Et les médecins, ils me font fréquemment des remarques, la plus fréquente étant « il faudrait pas grossir hein. ». Donc, pour en revenir à mon expérience dans le cadre de cette fameuse visite de la CPAM, maintenant que je vous ai situé des trucs... Alors, je m'attendais à des remarques éventuelles vis-à-vis de mon poids, parce que bah, ça se produit fréquemment lorsque je suis pesée par des médecins. Mais là, vraiment, c'était vachement plus marqué que d'habitude, c'était un peu impressionnant. Alors, la visite, elle se déroule en trois temps. D'abord, il y a un enregistrement administratif, où bah, là, il n'y a rien sur le poids, mais on doit dire si on travaille, notre statut, etc. Et ça met dans une certaine ambiance. De bien ressentir c'est quoi ta situation sociale quand même. Hein, voilà. Ensuite, le deuxième temps, c'est avec une infirmière. Donc, elle pose des questions sur l'alimentation, les consommations, les habitudes de vie, qu'est-ce que tu fais comme exercice physique. Et c'est ce qui constitue la principale part du rendez-vous. Elle donne d'abondants conseils et avis non sollicités. Et puis, elle dit des trucs genre... Enfin, les cigarettes roulées, c'est le double des cigarettes normales. En fumer 10, c'est comme en fumer un paquet de vin. Ou encore, il ne faut pas manger du pain et un autre féculent dans le même repas. Enfin, elle prend des mesures d'audition et du coup de taille et de poids. Elle prend le tour de taille et aussi le tour de hanche. Alors ça, je ne sais pas pourquoi. J'ai vu nulle part un truc qui... Parce que le tour de taille, c'est une référence pour certains médecins, certaines personnes. C'est une convention. Par contre, le tour de hanche... Voilà. Et j'aimerais bien savoir si elle prend le tour de hanche des gars, en fait. Des types 6. J'aimerais bien savoir. Voilà. Donc, après les mesures, cette charmante infirmière a calculé mon IMC et elle me l'a donné en me disant que je dois faire très très attention parce que je suis au chiffre juste en dessous de l'obésité. Et du coup, elle me brandit l'obésité comme ça, comme une menace pour que je fasse attention. En ce qui concerne la forme physique et l'alimentation, elle tient absolument pas compte de ce que je lui ai dit de ma vie et de mes habitudes quand elle a posé des questions. Et c'est-à-dire qu'elle se base plus sur les chiffres obtenus que sur mes habitudes pour juger de ma bonne santé ou non et pour décider de quoi elle va me parler. Et ça, enfin voilà, ça se sent vachement dans les remarques et les conseils qu'elle fait. Hein. Et ensuite, après l'infirmière, il y a la troisième partie du rendez-vous où on rencontre une médecin. Bon, j'ai fait un peu une erreur stratégique. Hein. Du coup, la médecin, j'ai essayé de lui parler de mon entrevue avec l'infirmière. Parce que quand même, je trouvais ça pas super, comment ça s'était passé. Et du coup, je lui explique que l'échange, il n'était pas super agréable et que ça m'avait mis beaucoup de pression sur des questions de poids. J'ai essayé de lui poser des questions sur l'utilisation de l'IMC, ce qu'elle en pensait. J'ai demandé si c'était prévu de s'appuyer sur un autre mode de calcul dans le futur. Eh bien non. Et elle m'a donné des justifications de type « C'est un bon indice. Les personnes en surpoids sont plus en mauvaise santé, c'est prouvé statistiquement. » Ok. Et elle m'a dit aussi « Oui, peut-être cet indice, il n'est pas valable pour les culturistes et les grands sportifs, par exemple. Mais pour vous, bien sûr que si. » Et puis, elle a enchaîné, après ça, sur 10 minutes, genre vraiment 10 minutes entières, je pense, de conseils non sollicités sur l'alimentation, en mode « Vous pouvez y arriver !» Et bon, avant la fin du rendez-vous, elle regarde mon corps, et puis elle me dit « Mais bon, quand même, vous n'avez pas l'air d'avoir de quoi vous inquiéter, hein !» Et après, elle baisse les yeux pour vérifier les chiffres sur mon dossier. Et puis, elle relève les yeux vers moi, elle fait « Ah mais oui, quand même hein !» Voilà, c'était super, c'était très professionnel, vraiment. J'adore. Ah, j'aime bien quand des gens ils regardent des chiffres sur des trucs de mon corps et qu'ils disent « Ah, quand même !» Voilà. Bref, donc pour résumer, au cours de ce rendez-vous, il y a eu des conseils non sollicités, des jugements moraux, une absence de questions, notamment sur d'éventuelles variations liées au contexte, comme la santé mentale, les confinements, tout ça. Il y a eu également des idées reçues, véhiculées. Et je pense qu'on peut, on peut dire merci, l'assurance maladie. En référence sur des questions de grossophobie, on peut aller regarder tout le boulot du collectif qui s'appelle Gras Politique. On peut regarder le documentaire qui est trouvable sur Arte, sur YouTube, tout ça. Un docu de Gabriel Dédier qui s'appelle « On achève bien les gros ». Et du coup, les deux articles que j'ai cités, c'était « L'indice de masse corporelle est une mesure obsolète de l'obésité » sur Slate. Et « Plus que jamais, l'IMC est une mesure obsolète de bonne santé » sur Slate également. Voilà. Ah. Bon, ça m'a fatiguée. On va faire une pause musicale avec Miss Platinum, qui va nous chanter « Give me the food » et qui va nous expliquer comment elle aime le gras, le sucre, et ainsi que la crème. Là, dans l'intro, en fait, elle est avec ses parents et puis elle est en train de passer à la télé. Elle est trop fière d'elle et tout. Et ses parents lui disent « Ah, mais regarde, tu es grosse, c'est très laid. » Ah, ils en ont rien à foutre de son super accomplissement. People always say women should be thin, they should be on diet, but I don't care, I just enjoy eating. I like my coffee with a lot of cream, I like to eat late at night. I like scrambled eggs after a sweet dream, I like potatoes deep fried. I like some sugar in my lemonade, I like hot chicken wings and steak. I like thick cheesecake, but homemade. I like a long-lasting lunch break. Give me the food, I say give me the food. Opa! Give me no fruit if you love me. Hey! Give me the food, I say give me the food. I say, give me no fruit if you love me. Some girls may think this chick's a little big. Slim girls don't understand, but I don't care. Some guys may say it's her curves that I defer. They like the tight pants that I wear. I am Romanian, I love to eat. It's in my genes, I can't control. Look at my curvaceous cousins, models can't compete. I am a woman, no skinny doll. Give me the food, I say give me the food. Opa! Give me no fruit if you love me. They say a lot of things, but you know, I don't care what people say about my weight. So if you want to take me out for a date, make sure there is enough good food on my plate. And maybe I let you get a taste of my cake. Give me the food, I say give me the food. Opa! Give me no fruit if you love me. Mais on danse quand on fait du clown? Ouais, on peut, ouais. Ok. Ouais. Et c'est quoi comme danse? Alors, on faisait de la danse singulière. C'est-à-dire que le principe, c'est qu'en fait, chacun a sa propre danse. C'est un peu pour te libérer de tous les codes et tout ça, moi, toutes les chorégraphies, tout ça, comme je pensais pas que j'étais capable d'utiliser mon corps, quand tu me demandes de faire des mouvements, tu vois, je suis, ça me bloque un peu, en fait, quoi. Et là, de m'affranchir de ça, en fait, je me suis aperçue qu'en fait, je pouvais danser. Et que c'était pas grave si j'avais pas des chorégraphies, des mouvements, des trucs... que je pouvais quand même danser, comme si j'avais le droit, quoi. Et du coup, t'arrives plus à danser même dans des contextes où t'es pas en stage de clown? Eh ben, j'arrive plus à danser, ouais. Après, il y a toujours... C'est marrant parce qu'il y a pas longtemps, justement, on a fait une espèce de boom avec des copines du village, là. Et en fait, il y avait une meuf qui arrêtait pas de me dire « Mais en fait, tu sais danser, pourquoi tu fais genre semblant de pas savoir danser, quoi ?» Et c'était super étrange parce qu'en fait, c'est juste que je me prenais pas... au sérieux en fait, et que ça, je m'amusais beaucoup, quoi. Et ouais, elle m'a dit plusieurs fois, enfin, ça m'a interrogé le fait qu'elle me dise mais vas-y, danse sérieusement, quoi, tu vois. Elle croyait que tu... que je faisais exprès, dissimulais. Ouais, c'est ça, exactement, quoi. Et c'est vrai que après, quand je danse toute seule chez moi et que je danse avec des gens où il y a le regard des autres, je pense pas que je danse exactement de la même façon, quoi. Du coup, tu penses qu'elle a un peu raison? Je pense qu'elle a un peu raison, mais dans le fait où moi je considère pas que je sais danser, quoi. En fait, je considère que je danse, quoi, mais que j'ai aucune technique, en fait, quoi, de danse, quoi. Donc je danse, c'est un peu comme un, ouais, comme un jeu, quoi. Je vois beaucoup la danse comme un jeu, surtout quand je suis avec d'autres gens, quoi. Et du coup, tu danses pas pareil devant les gens et quand t'es toute seule? Ouais. Tu crois que c'est quoi qui change? Je pense que... Il y a le truc que t'as pas l'air sérieux. Ouais, il y a le truc que j'ai pas l'air sérieuse. Que c'est comme un espèce de truc de sociabilisation, tu vois. Ça me venait comme ça, quoi. En fait, quand je suis avec des gens, quoi. Alors que quand je suis seule, il n'y a pas ça. Et je m'autorise plus de trucs, je m'autorise à... Enfin, je sais pas. Après, je danse beaucoup au sol quand je suis seule. Et quand t'es avec des gens qui dansent à côté, en fait... C'est peu pratique pour interagir, c'est pas, en effet. C'est pas très facile, tu vois. Et genre, quand je suis seule, je m'autorise plus à genre faire des danses que je qualifierais comme sexy, tu vois, ou des trucs comme ça, ou... Et qui m'amuse beaucoup aussi, en fait, quoi. Et que je fais avec beaucoup plus d'exagération quand je suis avec des gens, par exemple, quoi. C'est comme si le regard des autres, ça fait que je me prenais pas au sérieux avec ça, mais que ça a amené une certaine censure, peut-être. Voilà, c'était une interview d'une copine qui aime bien danser, comme moi. Moi aussi j'aime bien danser. Et j'ai envie de parler de twerking. Alors, le twerking, si on doit définir, du coup, c'est des mouvements profonds de bassin avec beaucoup d'amplitude, d'avant en arrière. Et ça provoque des mouvements de fesses. Il y a plusieurs types de mouvements qui sont recensés sous le terme twerking. C'est un petit peu compliqué à décrire à la radio, en fait, je m'en rends compte. Bah oui, forcément. Bref, vous avez Internet, quoi. Voilà. Du coup, des mouvements vraiment profonds du bassin qui font s'agiter vraiment beaucoup les fesses. Les fesses, voilà. Donc, ça désigne des mouvements du bassin qui, maintenant, sont hyper présents dans la culture mainstream. Je ne parle pas d'une danse en particulier, mais je parle de ces mouvements. Voilà. Ce n'est pas une danse, c'est un type de mouvement. Donc, le twerking, c'est issu notamment, même si ce n'est pas que de ça, c'est issu notamment d'une danse qui s'appelle le mapuka, qui est originaire de Côte d'Ivoire. Pendant les années 80-90, ces mouvements ils ont aussi émergé dans la musique bounce de la Nouvelle-Orléans, qui est le bounce, c'est une sorte de hip-hop, Et le bounce, aujourd'hui, il est très très lié à une culture queer de personnes noires et racisées. Il y a aussi, dans une autre branche, le dancehall jamaïcain qui s'est développé dans les années 80 et où le twerking est hyper présent. De façon plus anecdotique, on retrouve ce type de mouvement twerk dans certains types de yoga, comme le yoga de Aviva Steiner apparemment, et notamment dans du yoga à visée contraceptive qui s'inspire de mouvements de danse, alors qu'elle dit primitive, de danse assez ancienne, quoi. À la base, moi, je me suis intéressée au mouvement de twerk parce que je trouvais ça à la fois fun et assez provocant. Et parce que j'étais vachement impressionnée, parce que c'était assez nouveau pour moi. J'étais au lycée, en fait, et je suis tombée sur des vidéos des Tueuses de Mapuka. Alors, les Tueuses de Mapuka, c'est un groupe de danseuses ivoiriennes qui était vraiment célèbre dans les années 2000. Et vraiment, ça n'avait rien à voir avec ce qui était proposé dans l'imaginaire, dans les chorégraphies, la danse de la pop, genre style déhanchement timide, subtil, tout ça, là. Et le côté explicitement sexuel, peut-être il est devenu moins transgressif avec la popularisation du truc. Mais ça reste quand même un type de mouvement où c'est difficile de le faire en public. Et ça reste potentiellement stigmatisant de faire ça. En tout cas, pas neutre. Et ça dépend de la façon de les pratiquer et du contexte. Dans la culture mainstream, le twerk, ce mouvement, il a été occidentalisé, il a été un peu cliné, il a été rendu propre. On a rendu très visible des corps standards qui le pratiquent. On a mis en avant des mouvements très, très techniques. Du coup, c'est beaucoup utilisé pour sexualiser des meufs, hein, et pour plaire au regard des types hétéros. On n'est pas obligé de pratiquer ce mouvement et ce type de danse et de les voir de cette façon. Parce que c'est aussi des pratiques qui sont ludiques, qui permettent de mieux connaître son corps et qui sont juste comme du sport en général, en fait. La particularité pour ce qui est du physique, c'est que ça fait beaucoup, beaucoup travailler les muscles du bassin et les muscles autour d'une façon dont on n'a pas forcément l'habitude. Ça développe certains petits muscles. Et ces muscles qui sont beaucoup travaillés et les mouvements travaillés, ça peut être vachement utilisé dans la sexualité, mais pas forcément la sexualité hétéro et pas forcément dans un rôle dit féminin. Je veux dire, les mouvements et les pratiques sexuelles, c'est assez limité en fait au final. Et ce qui peut changer, c'est notre implication physique et le rôle qu'on adopte en pratiquant le sexe. Je trouve que les mouvements du twerk, ils aident à se sentir et à se voir comme puissante physiquement et aussi accessoirement dans sa sexualité. Puissante dans le sens de plutôt active que dominante. Et ça amène au concept d'empowerment, ce qui est récupérer du pouvoir sur divers aspects de sa propre existence. L'empowerment, c'est se ressentir comme capable d'agir pour soi et d'améliorer sa condition. Et le terme français, ça serait empouvoirment, mais c'est pas hyper utilisé, quoi. Voilà. En tant que personne blanche, moi j'ai des privilèges, hein, quand je pratique ce genre de danse et je subis pas les mêmes pressions et les mêmes clichés que les femmes racisées par rapport à ma sexualité, à mon corps. Et cette danse, elle a un aspect émancipateur qui peut être différent pour les femmes et les personnes racisées. Par ailleurs, cette danse, comme par hasard, elle est devenue à la mode quand des meufs blanches connues se sont mises à twerker. Ça fait 10 ans maintenant, c'est waouh. Genre le truc de Miley Cyrus, là, qui a twerké sur scène. Non, et où soudain, tout le monde twerkait, c'était la teuf. Et du coup, ces personnes, elles ont le luxe de se montrer comme sexy, de prendre une espèce d'aura de scandale et de faire parler d'elles comme ça, alors que c'est des pratiques et des danses qui sont juste normales pour beaucoup de personnes racisées qui font ça depuis des dizaines d'années et pour lesquelles c'est pas du tout valorisé et c'est plutôt récupéré par la culture de masse pour plaire au regard masculin hétéro. Avec en prime, bien sûr, une exotisation et une sursexualisation des corps des femmes noires, des femmes racisées. Et quand des femmes blanches sont valorisées et reçoivent de la reconnaissance sous différentes formes pour leur pratique du twerk, ça pose bien sûr la question les questions d'appropriation culturelle et puis surtout des questions de racisme, tout simplement, en fait. L'appropriation culturelle, en gros, on peut dire que c'est quand une personne racisée, elle est punie ou stigmatisée pour avoir porté, produit quelque chose ou fait quelque chose, et qu'en parallèle, une personne blanche, elle reçoit de la reconnaissance sociale et ou de l'argent pour avoir porté ou produit ou fait exactement la même chose. Pour le twerking, l'aspect émancipateur, il peut cependant être présent pour des femmes, des meufs, et pour des personnes trans qui sont pas racisées, parce que leurs sexualités sont aussi stigmatisées, restreintes, écrasées par des normes hétérosexuelles et patriarcales. Il y a un aspect qui m'intéresse beaucoup, c'est celui de la vulgarité qui est associée à ces danses en Occident et qui vient non seulement du fait qu'elles soient pratiquées par des personnes racisées, mais aussi par plutôt des personnes des classes populaires. Et que l'expression et la culture sexuelle des classes populaires, elles sont forcément dévalorisées en fait. Bon, en tant que meuf, montrer des signes de sexualité active, voire agressive, montrer un pouvoir et un désir qui sont liés au corps, ça exclut des normes de féminité classiques, hein, bien sûr. On s'inscrit dans le stigmate de la salope, d'autant plus si on n'a pas un corps qui correspond aux normes de beauté en vigueur, d'autant plus si on est issu des classes populaires. Voilà. Bon, le truc cool, c'est que se détacher des normes, ça ouvre d'autres horizons, d'autres façons de ressentir et de se percevoir, et que c'est sympa. Le fait de pratiquer le twerking en dehors d'un désir de plaire au type 6-7, ça permet aussi de se défaire de ces normes-là. Et je ne sais pas si j'arrive complètement à me détacher. J'y arrive pas en fait complètement, mais j'essaye au mieux de me détacher des projections de regard masculin. Mais en tout cas, moi, je trouve du plaisir à pratiquer cette danse et à ressentir tous les trucs que ça me fait ressentir dans mon corps de faire ces mouvements-là. Voilà. C'est un plaisir ou il peut être atténué selon mon état émotionnel du moment si je suis dans une soirée mixte et que des types me regardent de façon désagréable. Voilà. Bon, après, si j'ai du mal à twerker en public et dans certains contextes hein, et que je trouve pas toujours ça approprié, c'est parce que je projette des éventuelles considérations à la croisée du racisme et du sexisme qui peuvent survenir dans la tête des gens quand je le fais. J'ai peur que les gens déduisent qu'on peut toucher mon cul parce que je l'exhibe, j'ai peur des raccourcis et déductions dans leur tête, des manques de respect et d'une éventuelle absence de solidarité en cas d'agression parce que je suis une catin. Mais si je le fais, bah, j'ai aussi le privilège de ne pas avoir peur que les gens se disent que c'est naturel pour moi de danser comme ça. Les gens ne vont pas se dire que je suis une tigresse au lit et tout autre vocabulaire animalier pourri de la savane. Et je n'ai pas peur d'être agressée physiquement et pas défendue par le groupe en raison de ma couleur de peau. Voilà, donc ça va. La sensation d'émancipation, qui est assez importante pour moi, avec cette danse, souvent, elle est question de contexte. Par exemple, si on prend l'exemple de la Jamaïque, le twerking, et puis la danse dancehall et la musique dancehall en général, c'est en fait stigmatisé par les classes sociales dominantes. Mais dans les classes populaires, c'est pas automatiquement un outil d'émancipation pour les meufs. Les mouvements hyper puissants qu'elles font dans le cadre de la danse, ils reflètent pas forcément une plus grande ouverture dans le cadre des inégalités de genre et de la sexualité. Mais des fois, si. Et pour certaines meufs, si. Les dynamiques de pouvoir, elles sont sujettes à pas mal de variations et d'évolutions, et ça me semble difficilement possible de décrire une pratique comme émancipatrice dans l'absolu, et sans contexte. Mais en tout cas, quand on voit les performances des dancehall queens jamaïcaines, c'est hyper impressionnant. Elles sont très athlétiques, elles font des mouvements qui demandent de la force et de l'habileté, et en même temps qui sont hyper créatifs et bricolés. Ça me parle beaucoup parce que ça montre de la puissance et de la force dans des corps féminins en évitant tout référentiel masculin viril. Je conseille le visionnage d'une vidéo en deux parties qui est tout à fait accessible sur YouTube et qui s'appelle simplement Dancehall Documentary. Et maintenant, on va s'écouter Spice, une artiste dancehall jamaïcaine, avec le morceau Twerk. Ah, you know it's the Island Snowman representing for the ladies all over the world. Ladies! Make sure you can do that dance and name Twerk. Twerk, yeah, yeah. Twerk, twerk. Ah, il y a un truc qui parle au début, gna gna gna. Teach them Spice. Every girl in a the ring. Ready to get and just get mad and do your thing. Cause you can move your body and twerk it. Wine and go down, shake it and jerk. Look back on your body and tremble and twerk it. Work it, work it, girl, you can twerk it, yeah. Wine and go down and go long bad. Wine and go down and go long bad. Anything you want, do, girl, do it. Anything you want, do, girl, do it. Hey, split panic, wrong, girl, go the ground, gal, gal and bad. Do the 630, gal, do it. Anything you want, do, gal, do it. The wine you when me have, make you tear out. Make one ton fool when them see you broad out. Some gal can't wine, so they make a clear out. Gal, twerk up your body, that them a talk out. Twerk to the right, gal, twerk to the left. Twerk up your body, gal, twerk up your chest. Select a impress, yeah, twerk with the best. Gal, your body does a jump up better than your rest. Wine and go down and gal and bad. Wine and go down and gal and bad. Anything you want, do, gal, do it. Do the 630, gal, do it. Split panny gong, gal, gal and bad. Split panny gong, gal, gal and bad. Do the 630, gal, do it. Anything you want, do, gal, do it. Every gal. Shape it and jerk, look back on your body and tremble and twerk it. Work it, girl, you can twerk it, yeah. Work it like this. The way me a bubble and a turn and twist. Me a wine on the beat and me know me nah miss. Cause the body where me a fit up on the A-list. Lift me up, spin me round and go. Knock me to the north, west, east and south. Wine in machine, me no full up your mouth. Me ready when you're ready for jump and spread out. Wine and go down and go long bad. Wine and go down and go long bad. Anything you want, do, girl, do it. Do the 630, girl, do it. Split on the ground, girl, go long bad. Pani gong gal galang bad. Do the 630 gal do it. Anything you want to gal do it. Every gal in a the ring and just get mad and do your thing. Cause you can move your body and twerk it. Wine and go down, shake it and jerk. Look back on your body and tremble and twerk it. Work it gal, you can twerk it. Yeah, the wine when me have make you tear out. Make one ton fool when them see you broad out. Some gal can't wine so they make a clear out. Gal twerk up your body that them a talk out. Twerk to the right gal, twerk to the left. Select a impress, yeah, twerk with the best. Gyal, your body does a jump up better than your rest. Wine and go down and go long bad. Wine and go down and go long bad. Anything you want, do, gyal, do it. Do the 630, gyal, do it. Yeah, split on the ground, gyal, go long bad. Split on the ground, gyal, go long bad. Do the 630, gyal, do it. Anything you want, do, gyal, do it. Every gyal in a the ring and just get mad and do your thing. Cause you can move your body and twerk it. Wine and go down, shake it and jerk. Look back. And tremble and twerk it. Work it, girl, you can twerk it, yeah. Black sheep. Donc dans ma cuisine, en fait, souvent il y a plein d'appuis, c'est assez étroit comme espace. Et du coup, ben, je vais m'appuyer sur le mur, je vais monter sur le plan de travail avec mes bras, même m'asseoir dessus, je vais m'amuser à jouer avec les hauteurs du plan de travail, genre pour disparaître et réapparaître, même s'il n'y a personne qui me voit. Et ouais, et m'appuyer pour gagner en hauteur ou pour me laisser tomber et m'accrocher à un truc, quoi. Et ça, je le fais aussi avec, il y a une vieille voiture aussi dans mon à côté de ma piscine. Et j'aime beaucoup danser avec la voiture. Et monter dessus et tout ça. T'as vu le film, là? Le film de la meuf qui a fait grave. Ah non? Le de son dernier film. Non, je sais pas, regarde-le à toi, ça. Dans Beauté Fatale, qui est un bouquin de Mona Chollet, ça parle des pressions à la conformité aux idéaux de beauté que subissent les meufs. Dans les extraits qui suivent, elle parle plus particulièrement de l'impression de morcellement des corps, du désir de perfection irréaliste, et elle resitue un petit peu tout ça historiquement. La négation de l'animalité correspond à une tendance profonde. Toute l'architecture de la modernité emporte la marque, avec ses bâtiments confinés, ses lumières artificielles, ses matériaux synthétiques, la promiscuité qu'elle implique. Elle semble conçue pour prendre en défaut le corps humain, pour le faire luire et transpirer, pour souligner les pores, les cernes et les boutons, pour lui faire honte de ne pas être une chose parfaite, désodorisée, inaltérable, inaccessible à la fatigue, pour inciter à la détestation de soi et des autres, ce qui fait vendre, comme autant de prothèses, des produits destinés à prévenir ou réparer la déchéance. Pourtant, c'est bien cet environnement qui est fautif, et non ceux qui sont forcés d'y évoluer. Chacun peut en faire l'expérience. Dans d'autres contextes, par exemple, à la campagne, là où ils ne sont pas le seul élément naturel du décor, les corps réhabilités respirent, retrouvent leur aura, leur noblesse, leur sérénité. Les notions de propre et de sale se font plus floues, moins catégoriques, moins dramatiques. Dans cette stratégie culpabilisatrice, la lumière d'ascenseur faussement neutre qui baigne notre univers joue un grand rôle. La loupe magique de Voici, c'est celle sous laquelle l'esthétique dominante voudrait nous maintenir en permanence. Notre culture prétend faire régner partout une lumière crue, clinique, à laquelle nul ne peut échapper. Certains, par les couvertures de magazines, comme par autant de... cernés par les couvertures de magazines, comme par autant de reproches visuels qui nous montrent comment nous pourrions et devrions être, nous vivons sous un éclairage impitoyable. Et nous sommes incités à nous montrer aussi impitoyables que lui, à nous montrer mesquins, malveillants, haineux. Quand je croise des gens dans la rue, je songe aussitôt aux opérations dont ils auraient besoin, raconte une adepte brésilienne de la chirurgie esthétique. L'hygiénisme est né en même temps que l'industrialisation. Ayant depuis longtemps perdu tout lien avec l'hygiène, il participe de ce rationalisme éradicateur glacial qui en veut au cœur même de l'identité humaine, assimilé à une indignité. La marchandise impose son modèle à travers les images sophistiquées en deux dimensions dont nous sommes bombardés. Elle veut des surfaces lisses, unifiées, brillantes, comme plastifiées, exemptes de toute once de graisse et de tout poil. L'image nie l'importance de ce qui existe en dehors d'elle. Les odeurs, décrétées répugnantes, les sensations. Une prothèse mammaire est faite pour être photogénique, pas pour procurer du plaisir. Mais aussi, évidemment, les personnes, la personne, avec son individualité, son histoire, sa façon de se comporter, ce qu'elle dégage, le genre de relation qu'elle est capable d'établir avec ses semblables. On peut d'ailleurs penser que si la douleur des opérations de chirurgie esthétique est systématiquement niée ou minimisée, c'est aussi parce qu'elle est hors image. L'actuelle frénésie épilatoire offre un tableau poignant de ce Sisyphe humain bataillant sans relâche contre les signes de sa propre animalité, en y laissant des fortunes qui font prospérer toute une industrie. La guerre que nous menons à notre naturalité est aussi lucrative que désespérée, et ce n'est pas peu dire. Stéphane Rose constate que, parmi les hommes de moins de 25 ans, beaucoup n'ont jamais vu de poils sur le sexe de leur partenaire. Pour leur génération, la norme de l'épilation intégrale s'est imposée. Il démonte une à une toutes les idées reçues qui la justifient, de « ce n'est pas féminin » à « ce n'est pas propre ». Il relève lui aussi l'agressivité normative des médias people. Le site Voici a recours à une loupe magique pour déceler un duvet décoloré, imperceptible à l'œil nu, sur le visage de Madonna lors d'une première, et claironne que la chanteuse y est apparue plus poilue que jamais. La sensibilité de chacun chacune à la norme esthétique du corps glabre peut être variable, mais ici, on est dans tout autre chose. Dans le besoin puéril de nier la vérité élémentaire selon laquelle des poils poussent sur le corps et le visage des femmes comme des hommes. Stéphane Rose souligne d'ailleurs la honte exprimée par des femmes ayant dû exposer de façon imprévue des parties de leur corps qui n'étaient pas épilées. Non pas une petite contrariété, mais un sentiment tout à fait disproportionné d'ignominie, d'humiliation, l'impression d'être dégoûtante. Adolescente, je me rappelle avoir entendu une amie raconter la bévue d'une de nos camarades qui n'avait pas compris qu'il fallait épiler aussi l'arrière de ses jambes et pas seulement le devant. Mon amie résumait pliée en deux, de face une bombe, de dos un singe. On riait mais on se disait qu'on avait intérêt à faire gaffe nous aussi. Quelque chose d'essentiel était en jeu. Cette conception du corps comme matériau inerte, qu'il faut modeler et aseptiser pour le rendre acceptable, ou qu'il faut traiter pour en figer l'aspect jeune et lisse, implique aussi son morcellement. Chaque parcelle de notre anatomie nécessite un entretien névrotique et hors de prix, destiné à la briquer, à la rénover, à la redécorer. L'importance attribuée par les clientes de la chirurgie esthétique à l'aspect de leur sein, de leur ventre, de leur nez ou de leurs fesses suggère que dans leur esprit, chaque partie de leur corps s'est autonomisée. Elles se considèrent comme un simple assemblage de divers morceaux qui ne communiquent pas entre eux et qui doivent être tous parfaits, sous peine de ruiner la valeur de l'ensemble. Le marqueur du chirurgien dessine sur la peau de ses clientes des pointillés qui les réduisent à des pièces de boucherie, épaules, filets, carrés, rognons, cuisseaux. Ce faisant, il semble tracer des frontières infranchissables entre les différentes parties de leur personne. On pense au monstre fait de pièces rapportées que crée le docteur Frankenstein dans le roman écrit par Mary Shelley en 1816. Michel Ben-Naïsaïg, dans Le mythe de l'individu, y voit la fiction emblématique de la modernité. Elle traduit, dit-il, le rêve de dominer la nature, autant que la vision d'un être assimilé à la simple somme de ses parties. Et il cite cette phrase de Leibniz, « Là où il existe des êtres par agrégation, il n'y aura pas même des êtres réels. » Oui, bon, c'est un peu... Enfin voilà, cette personne aime citer des philosophes et des vieux types, mais bon, c'est quand même... En gros, on comprend que les parties du corps, elles sont perçues comme indépendantes les unes des autres et se devant d'être parfaites. Il y a un esthétisme froid et glabre au lieu d'une vue d'ensemble qui tiendrait compte de la fonctionnalité du corps. Et on a une absence de la notion de plaisir lié au corps et une absence de valeur de ce plaisir. Tout ça, ça fait penser un petit peu au truc d'entrepreneuriat de soi, dont j'entends parler depuis un certain temps quand même. L'entrepreneuriat de soi, genre le fait de se traiter soi-même comme un produit, un truc qui doit être performant, tout ça, tout ça. C'est assez présent dans des vidéos que j'utilise pour faire mon sport à la maison. Oui, parce que j'aime l'aérobic et la danse cardio, et puis j'aime en faire dans mon salon. Et attendez, je vous fais le décor sonore. Attention. Voilà. Là, du coup, il faut imaginer les années 80. Il faut imaginer des justes corps, des grands justes corps. Et des personnes qui s'agitent de façon complètement insensée dans tous les sens, mais en même temps c'est hyper ordonné, c'est complètement fou, voilà. Et toutes les gens sont bondés et luisent comme ça. Voilà. Et il y a beaucoup de fluo et de moulance de la fesse. Voilà. Si jamais, voilà, j'espère que ça vous a mis dans l'ambiance. Pour les personnes que ça intéresserait, je vous conseille d'aller regarder la vidéo YouTube qui doit s'intituler World Aerobic Contest 1988 ou un truc comme ça. Voilà. Donc, l'aérobic, pour celles qui ne le sauraient pas, c'est une activité sportive dont le but, c'est d'améliorer les capacités cardiovasculaires, la souplesse et la musculature, et le tout en musique. Cette activité, elle s'est développée dans les années 80, elle a perduré et aujourd'hui, elle nous offre différentes variantes comme le step, l'aérokick. Certaines de ces variantes sont basées sur des mouvements de danse. Et du coup, c'est ça qui est aussi appelé de la danse cardio. Genre la Zumba, c'est une sorte de danse cardio. C'est une danse cardio particulière. Bon, et bien sûr, même si j'aimerais bien que ça soit pas si évident que ça se passe comme ça. Et ben dans les vidéos YouTube que je regarde, c'est très très chiant, mais il y a sans cesse des injonctions à la minceur et à mincir et à perdre le gras et à le tuer et à le faire suinter, enfin c'est l'enfer. Et donc il y a plein d'injonctions à la minceur sans fin. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi l'idée de travailler sur son corps, de le construire, comme si le corps c'était notre capital de base et qu'on avait un objectif. D'ailleurs, c'est souvent le cas au premier degré. Hein. On est sommé de construire le corps correspondant à notre idéal. Donc il y a une imbrication de « vous pouvez le faire » et de « faites-le ou vous serez laide ». Vous n'êtes pas laide, vous êtes ce qu'on appelle... une déficiente esthétique. Et du coup, il y a une pression sociale qui est présentée sous un jour valorisant. C'est comme une espèce d'opportunité offerte de s'accomplir. Et le corps, il serait à la fois notre façade de présentation qui exprimerait qui on est profondément. Et du coup, il faut que ce soit nickel. Mais ça serait aussi un produit, un objet à sculpter et qu'on doit travailler. Et cette idée, elle véhicule le message que, en fait, sans travail, on n'est pas bien, on n'est pas bien tel quel. Je suis son coach de vie et je lui dis des choses comme « Vous êtes grosse, maigrissez. » Ça m'encourage beaucoup. C'est intéressant à croiser tout ça avec la question de la classe sociale. Les prolétaires, ou les précaires hein, maintenant, mais le principe c'est un peu le même, parce qu'on dispose que de son propre corps. Donc, les personnes disposant que de leur propre corps, c'est la seule chose sur laquelle ils, elles, ont du pouvoir. Et c'est la seule chose qui leur offre une possibilité d'accomplissement social. Il y a plein de trucs qui ont été écrits à ce sujet. Je vous laisse les chercher et ainsi vous accomplir vous-même dans votre recherche de développement intellectuel. Ainsi, vous vous sentez autonome et vous êtes prête à passer au niveau supérieur de la recherche de votre vrai soi. Et c'est pas du tout parce que j'ai pas retrouvé les références et que j'avais plus le temps de chercher que je vous conseille de faire ça. Ah si, il y a un article qui parle de ça sur le site du magazine qui s'appelle Frustration, qui a l'excellent nom. Et l'article, c'est « Devenir entrepreneur de soi, le développement personnel ou l'art de la soumission heureuse ». L'article, il se penche entre autres sur le mal-être lié au travail et à comment le développement personnel, il nous pousse plutôt à encaisser en fermant nos gueules parce que c'est pas feng shui la lutte sociale. Et maintenant, c'est la pause musicale. Ce soir-là, la grosse marée a teasé. Non moins par l'alcool que par le LSD. On se laisse tenter par quelques pas de danse. Au milieu du salon, la voilà presque en France. Mais sans s'échapper de bons petits prix bovins. Elle se trémousse sans se douter de rien. Elle en oublie même son milieu bien surfait. Elle se ridiculise devant toute l'assemblée. La grosse Marie avait mal à la tête. La grosse Marie avait trop fait la fête. Elle en avait même oublié son prénom. Mais elle rentra pas seule, pas seule à la maison. Elle tourne. Plein de mythos dans sa bouche, elle enfourne. Mais un seul l'admire là-bas dans le fond. Il est tout en extase et il s'appelle Jason. Il ne sait pas comment se déclarer. Encore un verre de Sky et le voilà lancé. Encore un petit pas, elle est juste derrière elle. La grosse Marie se tourne et la lui roule une pelle. La grosse Marie avait mal à la tête. La grosse Marie avait trop fait la fête. Elle en avait même oublié son prénom. Mais elle rentra pas seule, pas seule à la maison. C'était le groupe Les Vieilles Salopes, avec leur excellente chanson La Grosse Marie. Et j'ai l'impression que ce qui était un peu moins excellent, c'était la qualité sonore du truc. Et moins excellent, enfin, je dirais, ça avait l'air d'être dégueulasse. Enfin, voilà, vous pourrez me dire si jamais je ne comprends pas ce qui a pu se passer. Et je suis pas si pudique que ça, je pense. parce que maintenant je peux me baigner seins nus, ça va quoi. Et ça c'est marrant parce que c'est arrivé chez moi où ça s'est posé et où bah Rémi m'a dit mais toutes les filles elles avaient les seins dans l'eau et puis toi non quoi. Enfin, toutes les filles, il n'y en avait qu'une autre d'ailleurs. Mais du coup, ça voulait dire quoi? Ben, c'est, pour lui, c'était comme si je l'ai montré plus, quoi. Mais pour moi, j'ai pas du tout réfléchi à est-ce que je l'ai montré ou pas. En fait, on est dans la piscine et si je suis seins nus, en fait, je vais pas me restreindre. Sinon, autant que je mette un maillot de bain pour pouvoir profiter de la baignade, en fait, quoi. Je pense que ça le dérangeait lui dans son rapport à sa pudeur à lui, quoi. Ou peut-être qu'il aurait voulu que je sois plus pudique, en fait, je ne sais pas. D'ailleurs, c'était pas très clair son message par rapport à ça, quoi. C'est aussi que la copine qu'on avait qui s'est mise seins nus, elle a demandé à son mec et que moi je vais pas demander à lui, quoi. Je demandais au gars qui avait à côté de moi parce que, genre, je m'étais sentie. Fallait que je demande à quelqu'un l'autorisation. Alors, je demandais au gars qui avait à côté de moi. Je lui ai dit, ça me dérange. Ça me dérange. Ça te dérange? Les gens, il était un peu comme ça. Non, non, ça va. Tu fais ce que tu veux. Mais je me suis pas. Enfin, pour moi, j'ai pas à demander à mon mec, en fait, si j'ai le droit de me mettre seins nus ou pas, quoi. En vrai, quoi. Il y a pas longtemps, j'ai eu une télé devant moi à ma disposition et je suis tombée sur une émission qui s'appelle Belle toute nue. Bon, j'en avais déjà entendu parler. Et du coup, j'ai regardé un peu. C'est Belle toute nue, c'est une émission de télé-réalité où des personnes qui n'aiment pas leur corps participent à l'émission pour justement essayer d'apprendre à l'aimer et pour apprendre à se trouver belle toute nue. Bon, c'est un peu la gênance. Par exemple, il y a une partie où des meufs de corpulences différentes sont alignées sur un plateau en sous-vêtements. Et puis la meuf qui participe, elle doit se situer corporellement parmi ces meufs. Se mettre sur une échelle, quoi. Il y a aussi un moment où, quelle horreur, où il y a une photo de la meuf qui participe en sous-vêtements qui est affichée sur la façade d'une boutique en pleine rue. Et les passants sont interviewés pour donner leur avis sur son corps. Alors, tout le monde reste hyper sympa et dit que des trucs gentils. Hein. Et puis d'ailleurs, le présentateur aussi dit des trucs gentils. Et puis voilà, après on a une séquence émotion où la personne, elle arrive enfin à se regarder dans un miroir et elle pleure. Passons maintenant à la partie de notre émission que nous appelons « Faisons pleurer la laine ». On n'a pas ce truc de devoir améliorer le corps lui-même dans cette émission. Et déjà, c'est un peu un progrès par rapport à d'autres émissions, les trucs de perte de poids horrible, tout ça là. Mais dans l'émission, on doit apprendre à s'aimer comme on est. Et en fait, on reste dans l'injonction, une injonction différente, mais l'injonction de s'aimer soi-même et d'apprécier son apparence physique à tout prix, car il le faut. On doit consacrer de l'énergie à se trouver belle et éventuellement désirable. Alors que, en fait, on pourrait s'occuper d'autre chose. Tellement d'autres choses. Et l'obligation à se trouver belle, comme toute obligation, elle libère pas vraiment, elle fait qu'accentuer l'importance qu'on est censé accorder à la beauté physique et sa valeur. Madge, pourquoi vous êtes laide? Mais je ne suis pas laide. Oh non, croyez-moi, vous êtes très très laide, Madge. À preuve, vous tapez un 10 au laidronomètre. Tenez ça. Mais ce n'est pas une vraie machine, c'est un carton. Laide est menteuse. Et voilà, c'est la fin de cette émission. Peut-être vous aurez reconnu les extraits du Cœur à ses raisons, une espèce de série humoristique canadienne un peu datée à présent. Moi, je me trouve un peu rabat-joie sur cette fin d'émission d'ailleurs, et il y aurait plein de trucs cool à dire sur le plaisir à bouger son corps et tout ça. Et ça fait penser à la série Physical, qui est une série sortie en 2020, je pense. Et on suit une meuf des années 80, là, en Californie, dans la série. Elle est mariée, elle a un gosse, elle a fait à peu près les mêmes études que son affreux époux, mais elle se retrouve à lui faire du soutien sur sa carrière tout en restant effacée, tout ça, c'est plutôt des bourges. Hein. Elle a aussi des troubles du comportement alimentaire et elle est très inquiète de son poids et de son apparence physique. Toute l'exploitation émotionnelle et les charges mentales subies par des meufs en relation hétéro sont hyper bien décrites dans la série. Et puis, on a aussi accès au discours interne de haine d'elle-même que se tient la personnage principale. On l'entend se dire qu'elle est dégueulasse, on l'entend débiner les autres meufs dans sa tête. Et rien que cet élément de la série, il est pas mal foutu et assez peu commun, je trouve. D'entendre le petit démon de la haine de soi qui diffuse radio relou dans ta tête, quoi. Et bon, elle tombe sur un cours d'aérobic et soudain, elle est trop à fond. Et petit à petit, son discours interne haineux, il diminue au fur et à mesure qu'elle se sent plus capable et qu'elle fait des trucs pour elle-même. Et sa reprise de confiance dans ses capacités physiques s'accompagne de plein de prises de conscience et de décisions super cool. Et elle fait des trucs d'aérobic qui lui plaisent, qui lui permettent d'être autonome, sans être dans des domaines où le référentiel il est masculin. Parce que, par exemple, elle a le même niveau d'études et de brillance intellectuelle que son époux, mais elle n'obtient pas du tout la même reconnaissance à l'université où elle enseigne. Et c'est parce que c'est une meuf, tu comprends très bien. Et l'aérobic, c'est plutôt une pratique qui n'est pas du tout valorisée dans son propre milieu, mais elle s'en fout. Et elle capte que son époux, il est craignos, dépourvu d'empathie et égoïste, et qu'elle peut exister pour elle-même et faire ce qui lui plaît en suant. Et c'est très mignon. Et c'est plein de tenues fluo. Je vous laisse avec une chanson qui permet de relativiser. Une chanson qui permet d'imaginer se libérer des pressions liées au corps et aux normes de beauté. Parce que si on était des pizzas, on n'en aurait rien à foutre. Je suis une pizza. Je suis une pizza. Avec du fromage. Avec. J'étais